Mais, à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Étourdi de tout ce tumulte, le pauvre Tartarin allait, venait, pestait, jurait, se démenait, courait après ses bagages, et ne sachant comment se faire comprendre de ces barbares, les haranguait, en français, en provençal, et même en latin. Du latin pour Sauniac, Rosa, la rose, bonus, bona, bonhomme, tout ce qu'il savait. Peine perdue, on ne l'écoutait pas. Heureusement qu'un petit homme, très poliment, engagea Tartarin à descendre à l'hôtel de l'Europe et le confia à des garçons de l'endroit qui l'emmenèrent, lui et ses bagages, en plusieurs brouettes. Au premier pas qu'il fit dans Alger, Tartarin de Tarascon ouvrit de grands yeux. D'avance, il s'était figuré une ville orientale, féerique, mythologique, quelque chose dans le milieu, entre Constantinople et Zanzibar. Il tombait en plein Tarascon. Des cafés, des restaurants, de larges rues, des maisons à quatre étages, une petite place macadamisée où des musiciens de la ligne jouaient des polkas d'Offenbach, des messieurs sur des chaises, buvant de la bière avec des échaudés, des dames, quelques lorettes, et puis des militaires, encore des militaires, toujours des militaires. Et pas un teur, il n'y avait que lui. Aussi, pour traverser la place, se trouva-t-il un peu gêné. Tout le monde le regardait. Les musiciens de la ligne s'arrêtèrent, et la polka d'Offenbach resta un pied en l'air. Les deux fusils sur l'épaule, le revolver sur la hanche, farouche et majestueux comme Robinson Crusoe, Tartarin passa gravement au milieu de tous les groupes. Mais, en arrivant à l'hôtel, ses forces l'abandonnèrent. Il fallut le monter à sa chambre, le désarmer, le déshabiller. Déjà même, on parlait d'envoyer chercher un médecin. Mais, à peine sur l'oreiller, le héros se mit à ronfler si haut et de si bon cœur que l'hôtelier jugea les secours de la science inutiles, et tout le monde se retira discrètement.